Grégory et Anthony, nos invités ce soir dans Galaxy Live. Ils nous viennent de Russie et ont signé déjà pas mal de leurs productions sur le label Pitch Music, le label digital russe. On vous conseille fortement d'essayer de regarder un petit peu ce qu'ils ont fait récemment, notamment sur leur site internet et sur leur MySpace. Plus d'informations directement sur le forum de Galaxy, forum.galaxyfm.com. La suite tout de suite de la musique avec Galaxy Live, forcément, puisqu'il est précisément 20h. Bonne soirée à tous. Galaxy, out of time, out of time. Tous les mercredis à partir de 20h, Galaxy Live, les meilleurs de la scène électronique en live sur Galaxy. This is Grigory and Anthony Duo from Moscow, Russia. Especially for you, we have prepared two small mixes. One is made of our new works. And the second reflects that we like to play clubs. Thank that listen to us today. We'll be right back. Galaxy Live. Galaxy Live. Destruct. Galaxy avec à l'instant le Galaxy Live avec Grégory et Anthony de Russes qui font un très très bon duo. D'ailleurs, vous pouvez avoir des informations plus précises encore sur le forum de Galaxy où le track listing est déjà posté. Et si vous voulez avoir d'autres informations, rendez-vous directement sur leur website. Excellente soirée à toutes et tous sur Galaxy. Et oui, RV8 avec nous ce soir. Bonsoir. Aïe aïe aïe, quelle jolie voix en plus. Bonsoir Guillaume. Ça va bien ? Ça va bien. On va dire que ça va bien. Parce qu'il y a une soirée qui se prépare ce samedi. Voilà. Avec le Best of the Cure. Exactement. Simple Mind et Siouxsie. Steeple avec deux grands groupes. Deux très très bons groupes de musique New Wave à l'année 80. Donc Curse of Vampire et Tank. Donc exceptionnellement, la soirée Rime Board Pass commencera donc à 20h30. Puisque les deux groupes vont jouer chacun 45 minutes. Et la soirée Rime Board Pass débutera donc à 23h. Donc on compte sur vous pour venir nombreux. Et vous serez nombreux, je pense. Vu la promo qu'on a fait, vu les retours sur MySpace, le site Remember of Past et toute la communication qu'on a pu faire depuis ensemble et grâce à l'équipe, au team Remember of Past, ça va être une des plus grandes soirées de l'année au niveau années 80, New Wave. Voilà. Et puis c'est aussi la dernière fois où ce sera au Steeple. Non, l'avant-dernière fois. Oui, parce qu'ensuite, la prochaine aura lieu le 1er décembre, c'est une Dark Side of the 80s. Et ensuite, en février, donc nous changeons d'endroit. Ça sera à Courtrai, au Twin Cast, dans un cadre somptueux. On en a déjà parlé plusieurs fois ensemble. Mm-hmm. Voilà. Bien. Ce soir, soirée spéciale Silver Mines. Que du très bon. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous tous et toutes de me supporter. Je le dis souvent, c'est grâce à vous qu'on est là. Tout à fait. Grâce à mon équipe. Parce que bon, je peux être à la fois, comme tu le sais bien, très adorable et détestable. Voilà. Moi, je connais le côté honorable. Adorable plutôt. Oui, mais tu sais, j'ai beaucoup de mauvais côtés aussi, rassure-toi. Ah bon ? Voilà, sans commentaire. Merci à vous tous et merci à vous toutes et pardon à toutes les. Tu sais quoi ? Merci, ciao. Allez, merci à vous tous. Tout de suite, Hervé qui vous accompagne jusqu'à 22h30. C'est du direct live et juste après, ce sera l'émission de Marty. Bonne soirée à tous et très bonne soirée.